de tes silences, les mots de ton âme m'affligeaient. De la vie, l'indolence formulée, j'ai ressenti de tes errances, les pas de ces lieux détournés. De ton corps, la souffrance exprimée, élue de l'onde souveraine, échouée au bord d'un encrier, au sable d'or de mon poème évoqué. Mon amour proclamé par un millier de je t'aime divulgués. J'ai côtoyé l'immergence à la rive tes larmes esselées. De tes yeux, l'absence révélée, j'ai deviné de l'existence l'emprise de ces heures refoulées et de ton cœur de l'impuissance murmurée. De mon poème égaré, il y a la vague qui t'emmène, mon amour adulé par un millier de je t'aime passionné. Soulager ta peine près du ruisseau accompagné, je briserai cet anathème prononcé, retournerai à la fontaine au clair de l'eau de mes pensées. Abreuver de mes je t'aime par milliers, élu de l'onde souveraine, échoué au bord d'un encrier, au sable d'or de mon poème caressé. T'emmène, mon amour partagé par un millier de je t'aime, un baiser. Il y a la vague qui t'emmène, il y a la grève. J'ai pleuré de te sentir si lointain à mes côtés, élu de l'onde souveraine, échoué au bord d'un encrier, au sable d'or de mon poème exilé.